Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 50e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Jovanovic. Monsieur Jovanovic, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et éditeur. Vous présentez la particularité d'être spécialisé dans des domaines qui sont en apparence très distincts et éloignés. L'économie, la finance et la monnaie, d'une part, et la religion, la spiritualité et le surnaturel, d'autre part. Dans le cadre de votre travail, vous associez et articulez ces deux angles d'analyse et proposez une vision du monde très originale, notamment dans deux de vos ouvrages, 666 et 777, où vous vous appuyez entre autres sur l'Apocalypse de Jean pour expliquer la crise économique et financière. Cette année paraît le dernier de vos ouvrages aux éditions Le Jardin des Livres intitulé « L'histoire de John Law ». Nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Pierre Jovanovic, avant de parler de l'actualité économique, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter votre parcours ? Hein ? Bah, mon parcours, il est long. Parce que là, j'ai 56 ans, oui. Donc, c'est, j'ai commencé au Matin de Paris, dans le groupe avec, Claude Perdriel et son épouse, sa charmante épouse. Et ensuite, moi, j'étais déjà spécialisé en informatique à l'époque, mais on savait pas trop ce que c'était. Hein. C'était les premiers micro-ordinateurs, les ZX81, les Hector, les Spectrum, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc j'ai été embauché immédiatement lorsque la rédaction du Matin de Paris a explosé avec l'arrivée de Max Gallo. J'ai été embauché le lendemain au Quotidien de Paris où je suis resté 17 ans, où j'ai fini grand reporter. Où j'étais d'abord rubrique société, et ensuite au bureau économie où je m'occupais principalement d'informatique, de satellite et de télécom, ce qui est vraiment toujours ma spécialité. Et dans votre vie, il y a un événement qui vous a particulièrement marqué, c'est ce que vous écrivez dans votre premier livre. C'était dans l'enquête sur l'existence d'anges gardiens. J'avais fait une interview dans la Silicon Valley j'étais dans une voiture et quelqu'un m'avait, comme ça arrive très souvent aux États-Unis, quelqu'un tirait sur la voiture pour s'entraîner. Et j'avais vu la balle arriver au ralenti. Ce qui m'a posé des problèmes, je veux pas dire métaphysiques, mais scientifiquement, c'était inexplicable. Et pourtant, je l'avais vécu. Et puis bon, ça a donné. J'ai travaillé pendant 6 ans et ça a donné le fameux livre Enquête sur l'existence d'anges gardiens. C'est le seul aujourd'hui qui explique en fait, qui examine en fait ce qu'on appelle les anges ou l'ange gardien même dans les expériences frontières de la mort. C'est-à-dire les gens qui sortent de leur corps dans un accident ou dans une salle d'opération, qui passent de l'autre côté et ainsi de suite, que Moody avait popularisé. Donc moi je suis marqué par ce livre. Tout le monde me voit avec les anges, mais ils oublient à l'époque j'étais journaliste, grand reporter au Quotidien, au service économie quand même. Ouais, cela dit, quand le livre est sorti, j'étais persuadé que tout le monde allait se foutre de ma gueule. Ça, je suis d'accord avec vous. C'était pas évident, c'était pas gagné, et j'ai été très très surpris par l'accueil de toute la presse parisienne, qui a été grandiose, je dois le reconnaître, puisque tous les journalistes qui ont vécu des expériences surnaturel qu'ils n'ont pas pu expliquer, rêves prémonitoires, temps au ralenti, voix qui avertit, etc., sont venus me raconter leur propre expérience. Une fois pour une fois, ils avaient trouvé quelqu'un à qui ils pouvaient le raconter. Et il y a énormément de gens qui du coup, ont découvert grâce à ce livre qu'ils n'étaient pas fous. Parce qu'en général, quand on vit ce genre d'expérience, on pense qu'on est dingue. Voilà. Et même Philippe Tesson, qui est le patron, enfin qui est à l'époque le propriétaire du Quotidien de Paris, m'avait raconté sa propre expérience qui l'avait marqué à vie. Et c'est pour ça qu'il m'avait offert à l'époque, il était tellement emballé par ce livre, il m'offrait des pages entières de pub. Quand il y avait une page de pub qui sautait, on l'a remplacée par les anges gardiens de Jovanovic. Je me suis fait beaucoup d'amis, vous pouvez imaginer, parmi les copains journalistes. Et il paraîtrait qu'il avait écrit des livres aussi. Il paraît également que c'était le livre de chevet de François Mitterrand à la fin de sa vie. François Mitterrand l'a lu, absolument. Et Chirac l'a lu. Chirac, après son épisode de la balle, quand on lui a tiré dessus sur les Champs-Élysées, l'un de ses ministres m'avait envoyé un motard. Il dit voilà, je veux que tu dédicaces tout de suite un livre à Chirac. Là, il a passé à côté de ses oreilles. Et le lendemain de cet incident sur les Champs, c'était sur son bureau. D'ailleurs, la lettre est parce qu'il m'a Chirac m'avait envoyé une lettre très très sympa qui est dans la version 600 pages de l'enquête sur les anges gardiens, qui est pas la même que la version poche dans laquelle il y a pas de photo, rien. La nouvelle version, il y a 204 plus, grosso modo. Mitterrand, il en parle de son ange gardien, parce que à l'époque, moi, j'avais lancé la mode des anges gardiens. Et Pivot, qui lui a posé la question dans un entretien en tête à tête, Monsieur le Président, est-ce que vous croyez aux anges gardiens? Et Mitterrand, il pensait qu'il allait dégager la question, et pas du tout. Ma grand-mère me parlait de mon ange gardien, c'est quelque chose de, etc. Il est parti. Et il a eu cette formule absolument géniale. De toute façon, vous savez, moi, je suis dans la région du cognac. Et dans le cognac, vous savez, il y a la part des anges, hein, quand on ouvre une bouteille de cognac. Donc, toujours très, très spirituel. Mitterrand était un des derniers grands présidents qu'on ait eu, c'est clairement. C'était un littéraire. C'était un grand littéraire, comme De Gaulle, comme Pompidou. Après, on n'a pas vraiment eu de président très littéraire, on va dire. Xavier ? C'était les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit, absolument. Les forces de l'esprit, il savait qu'il allait mourir. Il était donc il était omnubilé par l'au-delà, hein, le savoir ce qui allait se passer, etc. Et dit je crois aux forces de l'esprit. Hein, c'est quoi les anges sinon les forces de l'esprit? De l'esprit, la force est avec moi, hein, c'est Michael. Hein, c'est la voilà. Puis vous n'êtes pas sans savoir que sera l'année le 2 octobre. Hein, c'est la fête des anges gardiens. Hein, voilà. bah oui. Non, mais il est très... il sait de quoi je parle. Alors, vous avez sorti donc dernièrement un livre, L'Histoire de John Law. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous raconter succinctement qui est John Law et quelle est son importance dans le basculement de l'économie mondiale? John Law, l'apparition de ce personnage est capitale. Je dirais même que... capitale, lol. C'est pas fait exprès. Puisqu'on parle d'économie. John Law, c'est celui qui a inventé la banque centrale. C'est celui qui a inventé les billets de banque, on va dire. C'est celui qui a inventé surtout la monnaie de singe et la planche à billets. Et c'est surtout celui qui a inventé une économie contrôlée par le gouvernement. Hein, et il a surtout, bien entendu, inventé la spoliation de l'or, hein, de l'or, de lingots d'or, j'entends, des pièces d'or et des pièces d'argent. Et aujourd'hui, on vit exactement la même chose que les Français ont vécu sous John Law. C'est important, ce livre est important, je dirais que ce livre est parce que c'est un livre compagnon de mon livre précédent, 666, dans lequel j'explique que je montre un document à l'appui que les États-Unis veulent démolir, empêcher les gens d'acheter de l'or uniquement pour préserver leur PQ qui s'appelle le dollar, hein, qui a été lancé en 1913. Et l'histoire de John Law, c'est celui de Adolphe Thiers, hein, c'est le livre d'Adolphe Thiers, le président de la République. Et donc nous, avec le professeur Brouillon, on l'a modernisé, et surtout on l'a mis en euros, parce que sinon on comprenait rien, c'était en monnaie ancienne, on n'avait pas du tout la notion de ce qui se passait vraiment 1723 et 1724. Et c'est la grande invention, quoi, de la planche à billets. C'est quand même pas rien. Et on est aujourd'hui, je veux dire, on est toujours dans la planche à billets. C'est ça qui est extraordinaire. Et indépendamment de l'invention de son influence sur l'économie, qui est colossale, son influence sur les arts et le rock'n'roll est encore plus grande, je veux dire, on lui doit indirectement, mais par ricochet, Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Et également la Castafiore qui chante « Je me vois si belle en ce miroir », hein, c'est parce que c'est Faust. Hein. Et dans Faust 2, Goethe était inspiré directement par John Law. Hein, on voit le diable qui apparaît, il y a un roi qui est désargenté, il n'a plus de pièces d'or et de pièces d'argent dans ses coffres. Et le diable apparaît à ses côtés et lui dit ben voilà, nous, je te montre comment on transforme le sable, hein, le sable de la plage, en pièces d'or. Et donc, le roi est absolument émerveillé, et donc, il paye tout le monde, des fonctionnaires, etc., avec ses pièces d'or, et au bout de 2 ans, ou 3 ans, je ne sais plus, les pièces d'or se transforment en sable. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que dans le livre de Jean, dans l'Apocalypse de Jean, parce que là, on est dans l'heure la plus sombre, je pensais que j'étais apocalyptique, mais avec vous, on est dans l'heure la plus sombre, donc vous êtes encore pire que moi, finalement. Jean dit que le diable s'est installé sur une plage, hein, si vous regardez bien. Non, c'est marrant. Et du sable, il pouvait faire des faux pieds. Est-ce que vous voyez des points communs entre l'époque de John Law, donc l'époque de Louis XV, et l'époque d'aujourd'hui, que nous vivons actuellement? Bien sûr. Bah, l'époque est exactement la même. Vous avez, à l'époque de Louis XV, enfin, c'était du régent, parce que Louis XV était jeune, mais la France était ruinée. Elle était ruinée, d'une part, par les guerres que Louis XIV a menées, hein, et ensuite ruinée par les guerres, plus la construction du château de Versailles, entre autres, hein, ce qui avait endetté la France de manière absolument colossale. Sauf qu'à l'époque, quand vous étiez, vous empruntiez de l'argent, bah c'était au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on vous livrait, c'était pas une ligne d'ordinateur, c'est on vous livrait de 15 camions de pièces d'argent, quoi, ou de lingots d'argent. Voilà. Ça, c'était la réalité. Aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même situation. La France est endettée, hein, on nous dit à 98%. Ça me fait doucement rigoler, parce que dans ce 98%, on ne tient compte que de l'endettement de la France. Pays, officiellement. Bon, on ne tient pas compte des régions, on ne tient pas compte des communautés de communes, des villes, des empreintes toxiques, comme par exemple ceux de Mme Ségolène, qu'on vient de découvrir, là, ceux de Mme Ségolène Royal. Bref, l'endettement de la France est en fait, techniquement, si on prend tout ce qui est public, de grosso modo 300 à 400%. Donc ça vous donne une idée de l'endettement. Et comme on fonctionne sur la planche à billets maintenant depuis 71, et on part dessus, on a la planche à billets de la Banque Centrale Européenne, alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire, elle a commencé à le faire 3 mois après la publication de mon livre 666, donc vous voyez que j'étais vraiment plein dans le mille. Voilà, donc planche à billets qui dit planche à billets, bah ça se termine dans une ruine. Ça va se terminer dans une ruine. Toute planche à billets se termine dans une ruine. Toute monnaie de singe, c'est la destruction de l'économie. C'est la dépossession de l'économie de vos parents, de vos retraites. Et c'est ce qu'on voit en ce moment partout aux États-Unis. Là encore, avant que j'arrive, j'ai vu une dépêche. Je crois que c'est le fonds de retraite des instituteurs californiens. Ils viennent de découvrir qu'en fait, c'était les mecs, ils avaient tout mis sous le tapis après l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008. Et puis là, bon, bah, les instituts, ils toucheront peut-être 30 ou 40% de la retraite qu'ils avaient prévue. Donc ce sont des gens qui vont être ruinés. La même chose en France. La même chose en France. D'autant plus que depuis le début de l'année, les banques peuvent se renflouer sur les comptes des particuliers. Oui, mais bon, ça, c'est, si vous voulez, c'est chypriotisation. Hein, ils ont testé à Chypre, les gens ne se sont pas révoltés. Hein, voilà, donc ils se sont dit, bon, ils ont testé à Chypre, en Grèce, donc bah, on peut y aller. Hein, les gens ne bougeront pas. Voilà. Et comme tout le monde est endetté, de toute façon, donc allons-y gaiement. Non, mais il y a eu pire que ça. Hein, moi, j'en ai parlé dans la dernière revue de presse vidéo. Ça, je l'ai annoncé aux Français maintenant depuis 5-6 ans, ou même 8 ans, qu'ils ne verront pas leurs assurances vie. Bah voilà, c'est tombé après. Alors, j'ai peut-être eu le tort de l'annoncer trop tôt, mais mieux vaut tard que jamais, ou mieux vaut tôt, plutôt que trop tard, en disant aux Français qu'ils ne verront pas leur assurance vie. La loi Sapin 2 vient d'être votée par l'Assemblée nationale, c'est vous montrer à quel point nos députés sont des traîtres au peuple. Hein, et donc, les assurances vie, on pourra vous empêcher de retirer vos assurances vie. Vous ne le verrez pas, voilà. Si les circonstances l'exigent. Alors, rien que la phrase, c'est la porte ouverte à tous les abus, etc. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi les codévis. Tous les dépôts bancaires, enfin d'économie que vous avez fait, ou que vos parents ou grands-parents ont pu mettre de l'argent de côté sur des produits financiers bancaires, ils ne pourront pas les retirer. Parce qu'on est à cause de la planche à billets, moi je l'explique depuis 8 ans, la planche à billets, c'est la destruction, la dépossession. Et la planche à billets a donné ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire les taux négatifs. C'est dans l'histoire du monde, c'est du jamais vu. Ils ont voulu éviter, si vous voulez, Weimar. Hein, n'oubliez pas, ils ont imprimé plus de dollars. Je parle que du dollar, là. Hein. Ils ont imprimé plus de dollars entre 2008 et aujourd'hui que depuis l'invention du dollar 1913 jusqu'à 2008. Cogitez. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, à vouloir, je termine là-dessus. Ils ont dit, bon, nous, on est des économistes, on est BAC plus 25, on sait de quoi on parle, on a des prix Nobel, et j'en passe, et des meilleurs. Résultat, les prix Nobel, hein, comme dirait Soral, quenelle. parce que, et la quenelle, malheureusement, c'est des centaines de millions de gens. Hein, parce que les taux négatifs, c'est encore un impôt supplémentaire, c'est la destruction de leurs économies à nouveau. Là, vous avez deux choses qui sont en train de détruire. C'est, d'un, la planche à billets, deux, les taux négatifs. C'est les deux lames. Alors, je vais faire le candide, mais à en croire les autorités, des réglementations ont été mises en place à la suite de la crise de 2008 et les banques seraient plus solides. Et parallèlement, on entend quand même des choses dans la presse, comme sur notamment la Deutsche Bank, la Banque de Vous avez raison d'être candide. Vous avez raison d'être candide. Vous avez raison d'être candide. La plupart des Français sont candides. Vous savez, si j'ai lu ça hier, vous savez que les Français sont plus fidèles à leur banque qu'à leur femme. Non, mais c'est vrai. 22 ans en moyenne pour la banque et je crois que c'est 17 ans de mariage en moyenne pour avec un couple. Donc les gens n'aiment pas changer de banque. Bon, c'est normal, ça vous oblige à changer plein de trucs, les virements, les paiements à distance. Enfin bon, c'est tout un bazar, mais les gens ont confiance, mais ils ont tort. Parce qu'on le voit, les banques ont bidonné leur bilan depuis 2008. Ils se sont dit, en 2008, les mecs, ils se sont dit, bon, 2009, 2010, ça ira mieux, donc on va rééquilibrer les écritures. C'est pas allé beaucoup mieux, donc les mecs, ils ont continué. Ça s'appelle la cavalerie, hein, en d'autres termes. Oui, cavalerie, vous voyez, les quatre cavaliers de l'apocalypse. Ou Ponzi. En fait. c'est même pas du Ponzi, là, c'est de la cavalerie, quoi. C'est de la cavalerie. Il y a aussi du Ponzi, mais là, c'est de la cavalerie, pure et dure. Et donc, du coup, ça fait 8 ans qu'ils se trimballent des bilans négatifs. Ils essaient de les bidouiller comme... Mais ils n'y arrivent plus. Et on l'a vu dans le cadre de la Montepaschi. Ils ont bidonné leur bilan. On l'a vu dans le cadre de... Je sais plus, c'est Toshiba. Ils ont... la multinationale japonaise. Ils ont bidonné leur bilan. Ça leur a explosé à la gueule l'année dernière. Ça a fait un scandale énorme. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que je le dis toujours, les comptables, les commissaires aux comptes sont complices des banquiers. Bon, on me dirait, ils les payent grassement. Hein. Voilà. Donc ils certifient les comptes, mais en fait, c'est des comptes bidons. Bidons. Tout est bidon. Aujourd'hui, tout est bidon. Ça ne tient que par le miracle de la confiance. Malheureusement pour eux, la faillite de la Deutsche Bank qui se déroule en ce moment sous vos yeux vous indique que les banques européennes sont dans un état absolument désastreux. Et comme vous le savez, la Deutsche Bank m'a censuré la semaine dernière. Donc, vous voyez que ma revue de presse a des effets. ça va loin, quoi. Et vous croyez Angela Merkel qui dit qu'elle ne renflouera pas ? Non. Non. Du tout. Elle est obligée. Elle est ce qu'on appelle too big to fail. Too big to fail. Mais le problème d'Angela Merkel, c'est ce que j'ai expliqué récemment dans la revue de presse. Si Angela Merkel sauve la Deutsche Bank, à ce moment-là, l'Europe est obligée de sauver la Montepaschi, la Santander, l'UniCredit, la banque autrichienne, la banque portugaise, et j'en passe, et des meilleures, et des banques anglaises. Elle est obligée de tout sauver, c'est pas possible. De toute façon, il n'y a pas. C'est ce que j'ai écrit dans Blind Masters ici. Il n'y a pas assez d'argent, ni sur la planète Jupiter, ni sur Vénus, pour renflouer toutes les centaines de milliards, trilliards, de crédits défaut swap qu'ils ont signés pour voler les gens. Les banquiers sont les plus grands escrocs de tout l'univers, de toute la planète, du système solaire. Non mais c'est vrai, c'est très important, il n'y a pas assez d'argent nulle part sur cette planète pour sauver la situation. La seule solution, c'est une guerre. Et vous êtes en train d'assister à la mise en place d'une guerre par les Américains pour masquer la faillite de leurs banques, de leurs assurances. Comment vous expliquez le nombre très important de suicides dans le milieu bancaire ? D'abord, il y a eu toute une série de 60, il y a à peu près, j'ai comptabilisé parce que je les ai suivis, hein. À un moment donné, je tenais le carnet de bord des suicides bancaires, donc c'était assez comique quand même, enfin, lol. C'est des listes impressionnantes, on recommande aux auditeurs 70, il y a eu, allez sur quotidien.com, hein, vous êtes dans les archives, vous avez tout ça. Tiens, abonnez-vous à mon fil Twitter, puisque Deutsche Bank me censure, donc, c'est parce que Facebook m'a été coupé, Wikipédia m'a, non mais mes fiches Wikipédia ont sauté, enfin bon, là, on voit que je la revue de presse dérange. Moi, je vous dirais qu'on est dans une situation absolument inextricable et que la seule solution pour eux, la seule, il n'y en a pas d'autre, c'est de déclencher une guerre. Et Poutine va en faire les frais. C'est l'heure la plus sombre. Vous êtes bien dans l'émission, l'heure la plus sombre. Il y a un ange qui est passé, là, je vous raconte pas. Il était en tenue de combat avec des rangers. Et Poutine sacrifié sur l'autel des banques. Oui, et tout à fait. Mais attendez, moi, j'étais correspondant. J'étais correspondant aux États-Unis. J'ai couvert toute la partie Clinton. Parce que j'ai couvert son élection et un certain nombre de ses scandales, Michael Jackson, enfin tous les scandales possibles et imaginables de l'époque. Mais ce que j'ai, là où j'ai vraiment halluciné, c'était l'affaire Monica Lewinsky. L'affaire Monica Lewinsky était très intéressante de la réaction des Américains. Ils ont déclenché la guerre en Yougoslavie pour masquer l'affaire Lewinsky. Du jour au lendemain, on ne vous en avait plus du tout entendu parler sur les télévisions américaines. Je l'ai vu de mes yeux. C'est fini, ils ont noyé le poisson. L'Amérique part en guerre, alors partout des drapeaux, des machins, soutenez nos soldats, quel courage. Attends, les mecs, ils arrivent, ils bombardent le pays, il n'y a plus qu'un tapis, tout le monde s'est transformé en crêpe. Mais pendant ce temps-là, ils n'ont pas parlé de c'était fini, l'affaire Lewinsky a été, aplatie. Et c'est ce qu'ils vont faire là, c'est ce qu'ils essayent de faire là. Et cette guerre, vous la prévoyez à quelle échéance, approximativement? Écoutez, encore aujourd'hui, j'ai vu que les pilotes de chasse anglais qui sont avec les forces occidentales en Syrie ont reçu l'ordre d'abattre tout avion russe qui s'aventurait au-dessus de la Syrie. Donc, si c'est pas un début de guerre, franchement là, regardez, vous avez l'Allemagne, le gouvernement allemand a demandé à la population allemande de faire un mois de provisions, de alimentaires, etc. C'est pas pour la faillite des banques, ça. C'est en cas d'attaque nucléaire. De la même façon, les Russes ont commencé à faire des alertes pour faire des répétitions d'attaques nucléaires, et je l'ai vu hier, parce que des lecteurs canadiens m'ont informé, parce qu'il n'y a pas que les Français qui suivent la rue de presse, il y a les Canadiens, enfin, le monde francophone. Voilà, tout l'espace francophone, et sur beaucoup de Canadiens, de Québécois, et les Québécois ont reçu j'ai halluciné, même les Canadiens, ils ont halluciné, il y a une répétition globale d'alerte. Ça s'est passé hier, hein. Pour s'entraîner justement, aller se planquer dans des caves, machin, etc. Enfin, j'ai pas tous les détails en tête, mais j'ai mis ça de côté pour le traiter pour la semaine prochaine. Mais ça, si vous voyez, les Allemands, les Canadiens, les Russes, etc. Il y a plus que les Américains, mais les Américains ne le feront pas parce qu'ils sont en campagne électorale. Donc là, ça pue. Mais ça pue pourquoi ? Parce que les taux négatifs sont en train de détruire les assureurs. Les assureurs sont tenus de rémunérer vos assurances, enfin les assurances vie, ce sont des centaines de milliards, des trilliards, de les livrets A. Comment voulez-vous ? Ils sont pris, ils sont cisaillés. Vous voyez, ils sont d'un côté, ils sont obligés de payer, on va dire, à rémunère à 3%. Et eux, s'ils achètent un bon du Trésor allemand, aujourd'hui, le bon du Trésor allemand, il est à moins 0,4 ou moins 0,5. Vous savez, aujourd'hui, 40% de tous les bons du Trésor qui sont émis, même 50 je crois, qui sont en taux négatif, même toute l'Europe techniquement est en taux négatif. C'est une situation inextricable. Donc, dès que les élections françaises, au mois de mai, les élections en novembre aux États-Unis, on n'a pas les Jeux Olympiques, hein, on n'a pas la Coupe du Monde de football, on n'a pas le Tour de France, à part Roland-Garros, là, ça va être dur, hein, à entretenir. Et puis des banques allemandes commencent à répercuter les taux d'intérêt négatifs de la BCE Mais les banques suisses aussi. Les banques suisses qui auraient imaginé que les banques suisses enverraient des mailings à leurs clients, hein, à tous leurs clients en disant « Monsieur, cher client, tu nous as confié ton argent, mais comme on s'est fait buter par les taux négatifs, eh ben, toi aussi, tu vas payer le taux négatif. » Donc ça veut dire que, comme au Japon, ce sont les taux négatifs. Qu'est-ce qu'au fond les gens ? Ils achètent des coffres forts et ils sortent l'argent des banques. Donc du coup, comme les gens sortent l'argent des banques, c'est la réserve fractionnelle qui est abaissée. Pourquoi vous croyez que vous ne pouvez pas retirer tout votre argent des banques aujourd'hui ? Ils ont déjà prévu le coup. C'est tout est prévu. Ils ne sont pas cons les mecs quand même. Attends, ils sortent de l'ENA, ils ont un bac plus 15. Tout ça pour nous. Moi, j'ai l'impression que c'est épouvantable parce que tout ça, c'est ce que je montre dans 777. Hein. N'oubliez pas, 777, je l'ai publié il y a 8 ans. Hein. C'est sorti en même temps que Comprendre l'Empire. 2011. C'est sorti. Non, c'est même 2009. Ça, non, c'est sorti beaucoup plus tôt. Oui, de 2009, absolument. 2009, ouais. Janvier 2009 ou en février 2009, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est important que vous compreniez ça. J'ai vraiment expliqué dans ce livre, et j'avais même expliqué que si mon analyse sur les anges de l'Apocalypse de Jean est bonne, Benoît XVI se fera virer. Il a été viré. Voilà. J'ai précisé qu'il se ferait virer à coup de pied au cul même. Et quel avenir voyez-vous pour la Chine, dont l'économie repose énormément sur des stocks de dollars ? le fameux tigre de papier. Non, ils se sont les Chinois, si vous voulez, ils ont pris leurs précautions, comme les Russes d'ailleurs. La banque centrale chinoise, comme la banque centrale américaine, a engrangé des achats d'or massifs depuis à peu près 2008, depuis l'explosion de Wall Street. Aujourd'hui, en Russie, il y a une banquière centrale, Elvira, qui mène une politique absolument remarquable. Vous savez, les Américains ont détruit les Russes. Je l'ai vu dans ma revue de presse. Et ils ont demandé aux Saoudiens d'abaisser totalement le cours du pétrole. Ce qui, du jour au lendemain, a ruiné les Russes. Du jour au lendemain, tous les Russes ont quitté les stations de ski de Courchevel, de Floride. Enfin, leur monnaie ne valait plus rien. Hein, enfin, les conséquences. Hein, aujourd'hui, vous n'avez plus tellement de Russes qui se baladent à Paris. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, en 2008 ou 2009. Hein, vous vous en souvenez. Donc, c'est pour les tuer économiquement. Voilà, ça c'était la première raison. Le problème, c'est que là aussi, les mecs, ils pensent toujours, ils disent on va tuer les Russes économiquement, et puis avec la crise économique qui s'est aggravée, avec de plus en plus de chômeurs, des millions de chômeurs en plus, hein, partout, ça fait des millions de centaines de millions de kilomètres qui ne sont pas parcourus sur les rues. On le voit sur des indicateurs que les gouvernements ne peuvent pas bidonner, sur les ventes de pneus nouveaux, de pneus neufs. Il y a ça, et puis on le voit surtout avec le Baltic Dry. Hein. On a vu par exemple cet été l'explosion en plein vol de Hanjin, l'un des plus grands transporteurs maritimes. C'est le Lehman Brothers du transport mondial, hein. faut pas l'oublier. Ça a été silence radio, les mecs. Hein. Les indicateurs de fret se sont effondrés toute l'année dernière. Enfin, Depuis 2008. Depuis 2008. Avec la planche à billes, ils ont fait remonter le Baltic Dry un petit peu en 2011. 2012. Et puis ça s'est retombé. L'année dernière, ça a failli tomber à zéro. Ça a été le record. Et le fait que le Baltic Dry faille tomber à zéro, ça a annoncé déjà l'explosion de Hanjin Transport. C'est quelque chose de vraiment très clair. Et en fait, les heures les plus sombres nous attendent. Lol. Et vous ne voyez pas dans le Brexit une lueur d'espoir ? Qu'est-ce qu'on a à foutre du Brexit ? Non mais franchement, avec ça, on a à faire du Brexit. D'abord, attends, ils n'ont jamais été dans l'Europe. Ils avaient leur monnaie, d'accord ? Donc, ils étaient indépendants, ils ont leur planche à billets, hein. Le Brexit ne les intéressait. Je vous rappelle que l'histoire du Brexit, pourquoi l'Angleterre est rentrée dans l'Union Européenne, c'était avec Margaret Thatcher. C'était à la demande d'une entité automobile qui s'appelait British Leyland, d'accord, qui réunissait Jaguar, Morris, Rover, etc., enfin tous les constructeurs. Et ils voulaient absolument vendre leurs voitures sur le marché européen sans qu'il y ait 30% de taxes en plus. C'était le cas. En France, si vous achetez une Jaguar, vous tapez 30% ou 25% de taxes en plus d'importation. Donc les Anglais se sont dit, on va de l'Europe, on n'a plus de taxes. Nos Jaguars ne seront plus taxés à 25%. Nickel. Ok, sauf que leurs bagnoles, elles n'étaient pas solides. Et du coup, c'est BMW, Volkswagen qui ont envahi le marché. Et aujourd'hui, l'industrie automobile anglaise n'existe plus. Mais ça vous montre le côté mercantile des Anglais. Ils y vont toujours par calcul. C'est jamais dans l'idéologie, comme c'était le cas des Allemands ou des Français. Il n'y aura plus de guerre, on s'aime tous. Voilà. C'était l'objectif de Mitterrand. Mitterrand ne voulait pas avoir de guerre à nouveau comme celle qu'il avait traversée, lui. Donc il était dans l'idéologie, je veux dire, somme toute louable, hein, d'avoir un pays, d'offrir à ses citoyens un zéro danger de guerre à nouveau. Et pourtant, vous voyez, c'est la planche à billets qui va nous apporter la guerre, là. Et les Britanniques se sont alliés avec la Dutch Börse dans le dos d'ailleurs de Euronext juste avant le Brexit. Oui, bon, vous savez, un jour ils le vendent, l'autre jour ils le rachètent. Vous savez, ça fait depuis 8 ans. Je les ai vus, hein, j'ai vu les mouvements d'accordéon. Tiens, je te le vends, tu me le rachètes, tu me le revends, je te le rachète. Puis c'est comme ça qu'ils font monter les cours. Hein, voilà, c'est ça. Vous savez, ça n'a aucun espèce d'intérêt. En revanche, ce qui a d'intérêt, c'est ce que je dis toujours, n'oubliez jamais, la Bourse de Paris a été vendue. Et vous n'avez pas vu un seul mot dans la presse française. La Bourse de Paris n'est plus à Paris. Hein, je le dis toujours, c'est dans une boîte à chaussures, dans une banlieue de Londres, branchée sur deux fibres optiques. Voilà, c'est tout. Ça n'appartient plus aux Français, ça appartient aux Américains. Il faut le savoir. Donc si j'ai bien compris, la seule solution pour vous, ce serait de revenir au standard or. C'est c'est un retour au standard or avec ce qu'on appelle le Bill of Rights. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu sur Wikipédia, alors j'invite vos auditeurs à aller voir la fiche du professeur Antal Fekete. J'ai tout à fait par hasard, on m'a signalé, puis j'ai vérifié. Elle est proposée également la suppression. Et du coup, j'en ai fait un tweet, donc ça a été relayé, et Max Kaiser, qui est un journaliste anglais que vous connaissez, m'a dit, mais en fait, la fiche Wikipédia anglaise, puisque c'est le grand spécialiste du retour au standard, hein, Antal Fekete, il se bat là, pour ça depuis 30 ans, a été effacée il y a un an et demi. Donc c'est pas du tout innocent que les fiches Wikipédia de gens comme Antal Fekete, par exemple, qui ont un discours très structuré sur l'or et qui le montrent. Plus, et imaginez que même la page du jardin des éditions, le jardin des livres, la page qui est consacrée au livre d'Antal Fekete, le retour au standard or, n'est plus référencée par Google. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point l'or fait peur aux Américains. Autant aujourd'hui, vous avez toute une association de pleureuses antiracistes, etc., qui veulent la peau de Zemmour. Autant, je peux vous dire qu'il y a une cellule aujourd'hui aux États-Unis ou en Angleterre, peu importe, pilotée par des Américains qui veulent effacer tous ceux qui parlent d'or. C'est la raison pour laquelle la fiche de Fekete a été effacée et va être effacée en français, a déjà été effacée et la raison pour laquelle également la mienne. N'oubliez pas, c'est moi qui ai traduit Fekete, entre autres, et en même temps, le livre 666, ça vous montre la politique à fond de la CIA, enfin je veux dire, ça vous montre avec documents à l'appui de tout ce qui se passe, de la politique, de la vraie politique des États-Unis qui consiste à voler tout l'or de tous les pays. Voilà. C'est des enfoirés. C'est des enfoirés, c'est des voleurs. Mais c'est normal, c'est des cow-boys. C'est des cow-boys. C'est ce que dit Jean dans son livre, hein, paradoxalement. Vous savez, je ne suis pas arrivé tout ça comme ça par hasard. Ça, et puis je vous ai dit, j'avais annoncé un an avant, jour pour jour, à la radio. Hein, je ne peux pas le savoir, j'ai pris des risques colossaux en disant ça, que Benoît XVI se ferait virer. Il a été viré. Et Pierre Jovanovic, que pensez-vous des survivalistes? Parlons de solutions. Le survivalisme n'est pas une solution. C'est pas une solution. C'est comme aux États-Unis, les survivalistes, c'est un ramassis de petites bites. Dès qu'ils ont leur mitraillette, ils se sentent plus puissants. C'est ce que j'ai vu dans l'Oklahoma, c'est ce que j'ai vu dans... Franchement, c'est grotesque. Vous pensez vraiment que vous allez survivre parce que tout seul avec votre mitraillette? Mais vous pensez vraiment? Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans les grands effondrements monétaires en Argentine, en Yougoslavie, etc.? C'était autre chose. Même en France, on l'a vécu, ça. On l'a vécu avec John Law, puis on l'a vécu surtout avec les Assignats, après la Révolution française. Hein, les gens ont survécu, ils se sont reproduits, ils n'ont pas besoin de... Alors, il y a toujours des pauvres, hein, ça, de son, qui ventent, qui pleuvent, qui neigent, qui fassent beau, âge d'or ou pas, il y a toujours des pauvres, hein, ça, vous pouvez rien faire, c'est comme ça. Mais les survivalistes, les mecs sont là avec leur mitraillette, attention, le premier qui approche, j'ai 200 kilos de soupe en réserve. Ok, mon pote, de toute façon, tu vas mourir un jour. Hein, ces gens-là ne se rendent pas compte que... On meurt tous. C'est ça qui est marrant. C'est les mecs, ils essaient de... Je sais pas. Vous savez, moi, là-dessus, moi, les survivalistes, franchement, ça me font doucement rigoler, quoi. Mais j'ai toujours dit, j'ai toujours été très, très clair là-dessus. Mais vraiment. Les survivalistes, ils ont un problème eux-mêmes à survivre, déjà. Donc, Pierre Jovanovic, les Français doivent s'asseoir et attendre l'apocalypse. Mais attendez, l'apocalypse... J'ai montré dans le livre 777, et plus encore avec Batmasters, et plus encore avec 666, que Jean décrit une apocalypse monétaire. D'accord ? C'est le fait, n'oubliez pas, la monnaie, c'est la colle qui réunit les hommes et les femmes entre eux. Hein ? C'est la colle sociale. Mais l'argent n'existe pas tant qu'un produit fini n'a pas été produit. D'accord ? L'argent est au deuxième niveau. D'abord, vous devez produire du blé. Et ensuite, effectivement, vous aurez besoin d'argent pour l'échanger. D'accord ? Mais pas l'inverse. Aujourd'hui, on est rentré non seulement dans l'inverse, et en plus dans la fausse monnaie. C'est du n'importe quoi. Il décrit une apocalypse monétaire. Il dit bien, 666, hein, vous ne pouvez ni vendre ni acheter si vous n'êtes pas marqué par le nombre de la bête. Et ensuite, il le dit clairement en plus. Il dit, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? Il le dit. Il est dit, c'est le nombre d'un homme, et c'est 666. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'il fait une référence au seul texte qu'il avait à sa disposition à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, pour les plus jeunes d'entre vous qui écoutent. Il n'y avait pas de radio non plus. Il n'y avait pas de télégraphe, il n'y avait pas de téléx, il n'y avait pas de télévision, pas de radio. Ils avaient quelques peaux de mouton sur lesquels ils avaient des textes. Et encore, c'était réservé vraiment à une élite. Donc, le seul texte qu'ils avaient, c'est ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez la visite diplomatique de la reine de Saba au roi Salomon. Et elle s'extasie, c'est le seul endroit dans la Bible, l'Ancien Testament, où vous avez la description intégrale d'un système financier sommaire, mais de l'époque, quoi. Où elle explique qu'elle est elle revient pas parce que le roi Salomon est au standard or et qu'elle décrit son système de taxation, d'entrée, de marchands, machin, etc. Et elle dit, à la fin de chaque année, il lui restait 666 talents d'or. D'accord ? C'est ça la référence. À l'époque de Jean, le papier n'existe pas. La seule monnaie qu'il connaissait, lui, c'était les pièces d'or, les pièces d'argent, les pièces de bronze, éventuellement. Voilà, j'ai toujours dit. Donc, le papier, il ne connaît pas. Il voit, l'ange lui montre notre futur. Il voit des trucs avec des têtes dessus. Je rappelle, il parle de 7 têtes. Des têtes qui sortent. C'est un monstre avec 7 têtes qui sort d'un océan, là où le diable s'était assis. Il se trouve que Wall Street a été créé sur une plage. D'ailleurs, si vous regardez, Tribeca, c'est sur une plage, à la base. C'est même, vous pouvez relire 666, chose que vous n'avez pas faite. Vous n'avez pas préparé votre émission, c'est pas bien. c'est là-dessus. Et les lecteurs, et là on est à 40 000 exemplaires, les lecteurs là-dessus sont... Personne ne me dit tous les documents que vous montrez dans le livre sont tellement clairs, précis que on ne peut que constater et on ne peut que après se précipiter effectivement en se disant bon là mes économies je préfère les mettre dans l'or et l'argent plutôt que d'une assurance vie que je ne vais jamais revoir. Je veux dire que moi, ça fait quand même un bail. Je dis que vous ne reverrez pas vos assurances vie. Que s'est-il passé il y a une semaine? L'Assemblée nationale vote la loi Sapin 2. Qui avait raison? C'est moi. Mais j'aimerais bien qu'on me le reconnaisse, ça. Mais c'est bon, parce que quand j'ai raison, il n'y a personne qui va dire « Jovanovic l'a dit ». C'est très curieux. C'est très amusant. Enfin, Dieu merci, en tout cas, mes lecteurs, ceux qui me suivent, eux, ils se sont vraiment, vraiment... ils ont pris les devants, ils se sont organisés de ce côté-là. Ils ne sont pas achetés des mitraillettes, même si certains sont armés, mais bon. Je veux dire, si vous avez... Si vous avez, si vous êtes tout seul ou même si vous êtes 5 et vous avez une horde de 200 personnes qui vous arrivent dessus, je vois pas très bien pendant combien de temps vous allez résister. Vous voyez, c'est le principe des châteaux forts. Il suffit de camper devant un château fort pendant 3 semaines, un mois, et puis à un moment donné, il faut aller chercher des courses, il faut pas faire des provisions. Donc les histoires de... Enfin bon. Je ne veux pas en venir là-dessus. Et d'un point de vue politique, Pierre Chenevic, on sait que Marine Le Pen, il y a 2 ans, a demandé un audit de l'or français. Est-ce que, selon vous, le Front National ne pourrait-il pas être une solution possible? Écoutez, moi, j'ai pas spécialement d'opinion. Je m'intéressais beaucoup au FN. Et puis, depuis cette brouille, je sais pas, moi, je trouve que... ce que je sais, c'est qu'au FN, ils ont un bon économiste. Ça, c'est sûr, Mono. Le reste du FN, je trouve que les analyses de Soral a une très très bonne analyse là-dessus, et il me l'avait dit depuis longtemps d'ailleurs. Il va se passer ça, ça et ça, puis il se passe ça, ça et ça. Voilà. Autant, si vous voulez, moi je suis très très bon dans tout ce qui est économique, autant je dois reconnaître que notre ami Soral a des très très bonnes... lui dit l'avenir sur les politiques. Donc moi, j'ai aucun parti politique vraiment qui me plaît. Le seul parti politique auquel j'aurais pu adhérer, c'est l'UKIP de Nigel Farage. Quand on vous écoute, Pierre Jovanovic, on déprime. C'est bien. Moi, je préfère que vous déprimiez plutôt que vous dansiez des claquettes. Et puis ensuite, le lendemain, que moi, je peux, vous avez votre banque qui s'effondre, quoi. Je peux raccrocher, je peux ne plus faire de reportage, je peux arrêter toute activité militante, puisque de toute façon, il n'y a aucune solution. Et c'est un peu non, ça. Mais attendez, moi, je ne vous ai jamais dit qu'il n'y a aucune solution. Quand est-ce que vous m'avez entendu dire qu'il n'y a aucune solution? Il y a une guerre mondiale qui se profile à échéance. Non, mais je n'ai pas dit que c'est une guerre mondiale, ça peut être une guerre tout à fait... mais ils ont besoin d'une guerre pour masquer la chose. Je n'ai pas dit que ce serait une guerre mondiale. que ça peut se transformer en guerre mondiale en revanche, ça c'est sûr, hein, ça c'est une évidence. Vous savez, là, je dis maintenant il faut attendre tranquillement l'explosion du truc, parce que après c'est les têtes des banquiers vont être sur les pics, quoi. Ça je peux vous le dire en revanche. Là on leur fera pas de cadeaux, ça c'est clair, ni aux États-Unis ni en Europe, c'est une évidence. Tout le monde sait maintenant que les banques ont abusé, tout le monde. Quand vous avez les gens qui vont dans leur agence bancaire, donnez-moi 5000 euros sur les 40 000 que j'ai, non monsieur, on n'a plus de liquide. Ah, c'est génial. Je veux dire, vous allez dans une boucherie, vous dites au boucher, donnez-moi un kilo de steak haché, le mec, il vous le donne. Vous allez dans une boucherie, le mec, ah non, monsieur, j'ai pas de viande. D'accord. Alors, c'est quoi? C'est plus des banques. Ce sont des systèmes en faillite, qui masquent leur faillite. Vous comprenez? C'est parce que vous voulez pas le voir, vous êtes dans le déni. Est-ce qu'il n'y a pas des cas de figure, malgré tout, où la planche à billets est utile et même nécessaire, parfois? Si, c'était utile, par exemple, dans la France, on l'a très bien utilisé, sous De Gaulle, avec Jacques Rueff. Si vous voulez, c'était des planches à billets qui étaient créées pour financer à l'avance les grands travaux. Par exemple, le programme nucléaire français, le programme spatial français, toute la recherche nucléaire, les TGV, les lignes à haute tension, les autoroutes, et surtout le télécom. Hein, toute la pose des lignes télécom dans les années 60 et surtout 70, ça a été fait, si vous voulez, par ce qu'on appelle les emprunts au trésor. Mais c'était calculé. C'est-à-dire, on savait que si on fait de la planche à billets, que tout ça va se transformer en richesse à 2 années plus tard ou 4 années plus tard, parce que les autoroutes seront fonctionnelles ou parce que nos premières centrales nucléaires vont fonctionner et qu'on ne dépendra plus de l'étranger pour notre énergie. Vous me suivez? Là, oui. Bien sûr. Mais quand vous l'utilisez de cette manière-là, c'est rien. C'est la manière dont De Gaulle l'a utilisé, c'est 0,001% par rapport à ce qu'ont fait les Américains ou la Banque Centrale Européenne. Vous vous rendez pas compte? C'est des trucs, mais colossaux, quoi. C'est énorme. On n'a même pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est une catastrophe. Les Américains, aujourd'hui, sont plantés. Ils ne peuvent pas remonter les taux d'intérêt. Ils ont les élections. Ils remontent les taux d'intérêt. Ça fait exploser la société économique américaine. Bonjour les résultats des élections. Donc, voilà. Le problème, c'est marrant d'ailleurs, parce que le système démocratique des élections les plante à chaque fois. C'est-à-dire, ils sont obligés de mettre sous le tapis en attendant les élections. Vous avez vu ce que ça a donné avec le Brexit? Elle ne l'attendait pas, celle-là. Vous voyez? La désinformation des médias quand elle était en route, vous l'avez vu dans le cadre du Brexit, tous les sondages gagnaient rester en Europe, gagnaient avec 2, 3, 4, certains même 6 points d'avance. Et le résultat des courses, voilà, enfin, c'est de la désinformation. Comme aujourd'hui, on vous dit que Clinton a 8 points d'avance sur Trump, c'est faux. En plus, Hollande est revenu de Washington en étant convaincu que Trump allait gagner. Étant convaincu que Trump allait gagner, c'est sorti dans la presse. Ah bon? J'ai pas vu ça. Ouais, dans le Canard. Et donc, il est revenu et devant l'association de la presse parlementaire, il leur a dit « Je suis convaincu que Trump va gagner. C'était pas du tout mon opinion, mais en voyant là-bas, quand il est parti à l'ONU. » D'accord. Voilà. Donc, non, Trump a ses chances. Après, parce que moi, j'ai vu une déclaration publique récemment en disant Trump ne surtout pas gagner. Mais donc, vous savez qu'il y a d'énormes suspicions sur déjà le résultat Clinton-Sanders. Ils ont truandé. Il y a une étude qui est sortie qui explique très bien qu'elle a été truandée. Et de toute façon, c'est depuis Bush que les élections américaines, c'est du pur spectacle. Et de toute façon, si les résultats ne conviennent pas, on les change. Non, mais excusez-moi, mais je reviens sur votre réflexion tout à l'heure en disant que... Attendez, votre émission ici, elle s'appelle L'heure la plus sombre. Donc, franchement, vous devriez être en phase avec le nom de votre émission, non? Là, on est en phase. On n'a jamais été autant en phase. Oui, là, on est bien en phase. Non, ouais. Voilà. Non, parce que je pensais L'heure la plus sombre, je pensais pas que c'était des comiques qui venaient, quoi. Et pour compléter sur l'approche de la guerre mondiale, on voit bien que Hérault répète à chaque réunion et dans chaque conférence de presse que c'est que Alep c'est Guernica. Donc si on compare à Guernica, ça veut dire que Poutine c'est Hitler, et si Poutine c'est Hitler, c'est la troisième guerre mondiale. Ils veulent la guerre. Je le dis depuis 8 ans, chaque fois qu'ils ont massivement utilisé la planche à billets, ça a donné des guerres. Voilà, on voit le système économique au bord du trou partout. Là, c'est pareil. N'oubliez jamais. Un ancien président du FMI espagnol, je crois, qui passe en procès. Oui, absolument. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Si, j'en ai parlé il y a déjà 3 ans. Voilà, quand l'enquête avait commencé. Voilà. Non mais vous savez, mais je vous avais pas lu à l'époque. Non non mais vous savez, en économie ça vaut les trucs de Ratier, hein. non mais il faut, enfin je sais pas, ils ont besoin. La France est passée en mode planche à billets. Je vais essayer d'expliquer quelque chose à vos, surtout aux jeunes éditeurs. Lorsqu'il y avait des guerres, il y a un film d'ailleurs qui le montre très bien, il y en a plein, mais Barry Lyndon, je trouve, Kubrick le montre très bien. À l'époque, il y avait des guerres, par exemple, entre la France et l'Angleterre, hein, ou la Prusse, je ne sais pas. Les mecs se donnaient rendez-vous sur un champ, un peu comme les guerres napoléoniennes. Ils se donnaient rendez-vous sur un champ. Alors, les deux armées, hein, sur une usine, voilà. Ils échangeaient leurs fanions comme deux clubs de foot. Non, mais c'est vrai. Ils échangeaient leurs fanions et puis ils tirent pile ou face celui qui va tirer le premier. Hein, c'est connu. Messieurs les Anglais. Voilà, messieurs les Anglais tiraient les premiers. Non, mais celui qui gagnait sur ce champ de bataille remportait la mise. D'accord ? C'est une bataille qui durait une journée, deux journées, trois journées, peut-être. En règle générale, enfin dans la majorité des cas. Et l'affaire était close. D'accord ? Voilà. Ils ont août 1914, la France a annulé le standard or, c'est-à-dire l'utilisation des pièces d'or, des pièces d'argent, pour obliger les Français à n'utiliser que le système low, c'est-à-dire des billets de banque garantis par rien. D'accord ? Parce que l'état-major avait calculé que ils n'auraient pas assez d'or pour payer les officiers, les sous-officiers, les soldats, et que cette guerre ne durerait que peut-être, je dis n'importe quoi, on va dire, je sais pas, 15 jours ou un mois, d'accord ? C'est la première fois où on a utilisé de la planche à billets, et c'est pour ça qu'il y a eu cette boucherie, c'est pour ça que cette guerre a duré de 1914 à 1918. 4 ans de guerre grâce à la planche à billets. Vous voyez à quel point c'est criminel. Vous voyez à quel point c'est toxique. Je dis c'est toxique, c'est meurtrier. C'était la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle. Avant, les guerres ne duraient jamais aussi longtemps. On peut me dire, oui, la guerre de 100 ans. Ok, mais enfin bon, c'était pas vraiment une guerre. C'était des escarmouches de région en région, etc. C'était plutôt ça. Vous voulez dire quelque chose ? Non. Oui, non, mais c'était pour dire que sur les anciennes guerres, même à l'époque, on connaît l'exemple de Rothschild qui était parti à Londres lors de la bataille de Waterloo, qui ont fait fortune sur un énorme délit d'initié à l'époque. Non, c'était pas un délit d'initié. Non, non, non, non, non. Non, non, là, je suis pas d'accord avec vous. C'était pas du tout un délit d'initié. Là, pour le coup, les Rothschild ont été plus malins que les autres. Point. Ça, il faut le reconnaître. Hein, les Rothschild avaient envoyé un messager. Aujourd'hui, on dirait un coursier en scooter, hein, ou en moto. Mais à l'époque, c'était à cheval. Le coursier a vu que les Anglais ont gagné. Il est revenu à fond la caisse, d'accord ? Et il est arrivé donc la veille. La bourse était encore ouverte. Les Rothschild, apprenant la nouvelle, ont tout racheté. Voilà l'information. C'est tout. C'est être plus intelligent que les autres. Voilà, et ça, vous ne pouvez pas leur enlever. Pierre Jovanovic, quel est l'état de l'emploi en France actuellement ? Destroy. Quel est, selon vous, le taux de chômage réel ? 10 millions. 10 millions de chômeurs. Si vous mettez tous les... N'oubliez pas, aujourd'hui, ils sont... Je me souviens quand j'étais... on recevait, parce qu'à l'époque, nous, on avait des telex qui tournaient 24 heures sur 24. Donc on avait le fil AFP, Reuters, machin, enfin c'est avant que ça devienne sur écran. Le taux de chômage qui était communiqué, ça comprenait toute la France. Quand je dis la France, c'est quand on comprenait le dom-tom, etc. Aujourd'hui, les dom-toms ne sont même pas compris dans le taux de chômage. Parce que si vous mettez les dom-toms, vous exposez la moyenne nationale. Donc, ils ont viré les dom-toms. Ensuite, ils ont catégorisé, si vous voulez, tout ça, pour vous dire qu'il n'y a que la catégorie A qui est importante. Alors que tous les autres, et puis on vous met en formation, on vous met en, je sais pas quoi, en détachement, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour maquiller les chiffres du chômage. Techniquement, il y a entre 8 et 10 millions de chômeurs, absolument. Vous savez, c'est pas moi qui donne les chiffres du chômage. Il y a une très bonne analyse qui est là depuis maintenant 5-6 ans sur Agora, je crois que c'est sur AgoraVox, qui est excellente. Hein. Je me souviens plus comment s'appelle le monsieur qui analyse toutes les statistiques données par le ministère du Travail. Mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Enfin, passionnant. Tristement passionnant, mais. Bah regardez, allez dans un pôle emploi. Regardez ce qui se passe. Si vous arrivez à rentrer, parce que maintenant les mecs ils ont tellement peur, maintenant c'est que sur rendez-vous, vous voyez. C'est un peu comme les bijoutiers Place Vendôme, vous voyez, c'est que sur rendez-vous. Non mais c'est triste. Pierre Jovanuc, est-ce que vous pensez qu'en France il y a un terreau favorable à une révolution ? En ce moment il y a un terreau favorable pour une révolution globale, pas seulement en France. C'est la même chose en Italie, le système bancaire italien est destroy, le système bancaire espagnol est totalement destroy. Je vous rappelle quand même qu'une centaine de milliers de retraités italiens se sont fait voler leur retraite, c'est quand même énorme, c'est la même chose au Japon. Il y a... en ce moment, on sent que la cocotte minute... Là, elle chauffe à fond, quoi. La vapeur, elle saute et les mecs, ils savent plus comment arrêter le truc. Voilà, c'est tout. Il y a strictement aucune reprise. Ma liste des licenciements, elle est redoutable parce qu'elle donne le futur. 1000 personnes licenciées égale 1000 autres personnes licenciées dans les 3 mois à 24 mois. Et ces 1000 licenciés vont déclencher 1000 autres licenciés et ainsi de suite. J'ai vu une accalmie très précisément en 2011. Je l'ai même signalé sur ma revue de presse, hein, donc j'étais très précis, et j'ai vu d'un seul coup, je m'en souviens très bien, parce qu'on en a longuement parlé sur la radio ici maintenant, j'ai vu la reprise brutale en mai et juin 2012. En mai et juin 2012, j'ai vu d'un seul coup arriver des listes de 15 000, 20 000, 32 000, etc. Mais des trucs, ne plus en finir, quoi. Et maintenant, vous savez, des sociétés comme IBM, elles continuent à licencier. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme une pelure d'oignon. Vous voyez, vous avez un oignon qui est très gros, vous faites un premier tour de licenciement, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, il ne vous reste plus que les secrétaires. Et encore, je vais vous donner, tiens, une information qui va vous scotcher. Ça, je peux vous le dire. Vous avez du scotch, là ? Je vais vous accrocher au mur. La IBM France. IBM France, d'accord ? Donc, ils ont des technico-commerciaux, ingénieurs, informatiques, bac plus 30. Vous voyez le topo, moi. Les secrétaires. Hein, la brave secrétaire qui est... voilà. Figurez-vous que IBM France, pour faire des économies à 2 balles, a décidé de les virer et de les faire embaucher par Manpower. Travail temporaire. Intérim. IBM ! Putain, c'est pas la boîte de peinture de monsieur Lambert qui est obligé de licencier sa secrétaire et d'en prendre une par intérim. C'est IBM France. Et puis ils encouragent leurs salariés à travailler par télétravail. Bien sûr, c'est comme ça que les entreprises se détruisent. Ils se rendent pas compte que justement le fait d'être ensemble, il y a quand même des énergies qui passent. Il y a c'est des intelligences qui sont mises en groupe. Et il se passe quelque chose. C'est le principe même d'un groupe de rock, de musique par exemple. Hein, quand ils sont ensemble, ils jouent. Mais le fait d'avoir un mec là-bas, un autre là-bas, c'est pas enrichissant et ça crée rien. Voilà. Et puis sur le chômage, on voit aussi des exemples hallucinants d'hypocrisie de la part des médias et des politiques. Par exemple, Alstom, on savait très bien qu'en le revendant à General Electric, les Américains s'aborderaient tout. Et alors, aujourd'hui, mais ils ont fait la même chose en Italie, ils ont fait la même chose dans les autres pays. Et jamais, depuis que cette affaire a éclaté avec ces licenciements, ces plans de licenciement, aucun média n'a rappelé que General Electric avait racheté il y a un an. Je suis un des rares, effectivement, à l'avoir appelé, absolument. Mais les autres médias, les grands médias, ils la ferment, ils la bouclent. Mais ils appartiennent à des banques. La connexion n'est jamais faite. Ils appartiennent à des banques et des marchands d'armes, les médias, vous le savez. Et vous avez Bercy qui s'agite, Bercy est à la disposition des grandes entreprises, d'accord ? Tous les énarques qui sont à Bercy ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'être embauchés dans le privé, en particulier dans les banques. Voilà. Et comme ce sont tous des fonctionnaires des énarques qui peuvent faire des allers-retours autant qu'ils veulent, ils ne seront jamais consanguinité totale des finances. Absolument. Avec le milieu bancaire total. Et total. Comme aux États-Unis avec Goldman Sachs et tous les gens de la SEC et de Wall Street, etc. C'est exactement la même chose. Par exemple, Jean-Marie Messier a totalement été sauvé par l'inspection générale des finances et maintenant il a une banque Capignon-sur-Rue à Paris et ainsi de suite. Tout à fait. Vous savez, c'est marrant que vous faites penser ça. Je me souviens de la photo. Je me souviens de la photo de Messier qui posait comme le maître du monde dans Paris Match sur la double page. Et il était allongé sur un canapé, là, sans chaussures. Et puis, en fait, personne n'avait vu. Quand les mecs, ils ont vérifié les photos sur les tables comme ça, bon, ils n'ont pas vu, mais sur la double page de match, en fait, Messier, on voyait qu'il avait un trou à sa chaussette. Incroyable. Incroyable. Et ça a annoncé quoi? Ça a annoncé son explosion. Et encore, Messier, c'était rien. Parce que quand on regarde aujourd'hui Drahi, Messier, c'est de la petite bière, on rigole. Drahi, oui, c'est du solide. Mais il y a beaucoup de capitaux derrière Drahi. Il y a même des pays derrière Drahi. Oui. J'en parle souvent, moi, de Drahi. On n'ira pas plus loin. Ah si, si, moi, j'ai toujours parlé de Drahi, je disais que c'est un scandale. Si un citoyen français ou allemand, non pas allemand, allait en Israël, hein, espagnol, italien, et acheter des télévisions, des journaux, le mec, il ferait pas deux jours. En France, il peut tout racheter. Et en plus, il a renoncé à sa nationalité française. C'est absolument grotesque. Ça, j'en parle souvent dans ma revue de presse. C'est absolument écœurant. Je considère BFMVC comme une chaîne poubelle de désinformation totale. Voilà. Je crois que c'est mon attaché de presse qui m'a expliqué qu'elle a vu sur BFM, c'était ce matin ou hier, j'ai pu les interroger des gens à propos d'une église que Poutine devait inaugurer, d'une église orthodoxe, et donc les gens disaient oui, on va être obligé d'installer des brouilleurs parce qu'ils vont espionner. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que là il y avait la théorie du complot. Ils nous expliquaient qu'il y avait des IMSI catchers dans les dômes de la cathédrale orthodoxe pour espionner l'Élysée. Non, les mecs, c'est bande de putes de BFM ont juste oublié de dire c'est que c'est le complotisme autorisé. Non, mais il suffit d'aller avenue Gabriel, là où il y a l'ambassade des États-Unis. Si vous regardez en haut, vous avez les antennes de la NSA qui ont été construites, et le mur qui est en haut n'existe pas. C'est un faux mur, c'est des dessins. C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Et c'est la même chose dans toutes les ambassades dans le monde. Alors, l'Élysée, qui est cernée par l'ambassade d'Israël, par l'ambassade d'Angleterre, et surtout par les grandes oreilles de la NSA, qui sont au sommet de la place de la Concorde. Mais attends, faut pas abuser. C'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Vous êtes complètement compris, y compris certains médias comme le Figaro. Que tout le monde aille devant l'ambassade des États-Unis et qu'il regarde. Moi, je sais pas si vous mettez des images sur vos... On peut le voir, ou c'est juste un son MP3, là? C'est un son MP3. D'accord, bon, on peut pas mettre d'image. Décidément, il n'y a rien qui va. Non, mais bon, je sais pas, moi à l'époque j'avais publié les photos de l'ambassade américaine et de la partie qui appartient à la NSA. Hein, et les Français n'ont rien dit. Il faut quand même pas oublier que le pavillon, là où se trouve l'ambassade américaine, c'est un monument historique quand même là-bas, hein, faut pas oublier. Et ils ont construit donc un étage supplémentaire. Et c'est des trompe-l'œil, et là vous avez toutes les antennes de la NSA. C'est nouveau, ça vient de sortir, il y a 2-3 ans, à peu près. C'est merveilleux, non? Pierre Jovanovic, merci beaucoup. Mais vous savez que Sora, à l'époque, moi je me souviens, il avait lu Black Masters, il avait adoré. Parce que ça montrait bien les mécanismes vraiment de la crise qu'ils ont déclenché, les CDS. C'est absolument fascinant. C'est ça qui a détruit le monde aujourd'hui. En tout cas, on espère que vous avez tort. Écoutez, malheureusement pour vous, depuis 8 ans, malheureusement tout. Vous savez, je n'ai douté qu'une seule fois. C'était en 2011, justement. C'était en 2011 où j'ai vu la reprise. Fin 2011. J'ai vu effectivement à un moment donné que ça se tassait, etc. Et le seul moment où je me suis dit, je vais ralentir tout ça, je vais mettre un tempo. Et bing, dans le lendemain, je crois, une banque avait explosé. Je me dis, bon d'accord, ils se foutent de notre gueule, en fait, tout ça c'est du pipeau, et en fait ils ont fait des planches à billets non déclarées, encore plus massives, c'est ce qui leur a permis de tout maquiller, de tenir pendant un an, mais ça tient pas. Et depuis, de toute façon, maintenant, c'est ce que j'aime beaucoup, il y a un artiste que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup, parce que ce qu'il fait maintenant n'a aucun intérêt, mais c'est Trent Reznor dans Nine Inch Nails, je sais pas si vous, enfin certains d'entre vous connaissent. C'est un groupe de rock, on appelait ça le rock industriel, moi j'ai eu la chance de les voir grandir à Los Angeles. De voir leur premier concert dans des petites salles avant qu'ils arrivent dans des salles genre 5-6 000 personnes. Et il y avait un album qui s'appelait The Downward Spiral. Et il est allé, pour l'album, la couverture du CD, il est allé chercher un virus du choléra ou un truc absolument horrible, qui détruit les tissus. Enfin, le truc, une fois que vous l'avez, c'est fini, quoi. Vous êtes... c'est la spirale descendante, quoi. C'est le truc jusqu'à la mort, voilà. Vous pourrez peut-être passer un morceau de Downward Spiral, tiens, pour conclure, là, plutôt que votre train. Non, mais c'est pas mal, en plus. Attends, ça déménage, hein. Oula. J'essaie d'être. Vous savez, les gens viennent à mes signatures. J'ai énormément de gens qui me disent merci. C'est les Français, j'ai vraiment tout de l'ouvrier, du peintre, au policier, militaire, au magistrat, avocat. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment toute la population. Je tiens à vous remercier parce que vous avez sauvé nos économies, ou les économies de mes parents, etc. C'est très très important. Vous savez, en 2008, quand j'ai dit aux gens achetez de l'or, ça va. Aujourd'hui, les mecs, ils sont waouh. Regardez le cours de hein, depuis regardez même. Ils font tout pour le tuer. Voilà, hein, et c'est de plus en plus difficile d'en acheter. Vous pouvez encore vous en procurer chez Schwartz et surtout chez Joubert, parce que c'est des maisons sérieuses. Mais il faut faire très attention. Effectivement, je sais qu'il y a 6 mois, par exemple, à Londres, c'était impossible d'en trouver. Impossible. Les mecs, ils ont vendu tous les lingots d'or. Là. Vous savez, les financiers à Londres, les mecs, ils savent ce qui va se passer. Ils savent, personne n'est dupe de ce jeu. Personne n'est dupe. Vous avez un Wall Street qui lévite et vous avez des centaines de millions de gens au chômage. Et on vous dit que l'économie va bien sous prétexte que le Dow Jones va bien. Mais c'est n'importe quoi. Ça colle pas. Tout le monde le voit. Attends, je suis descendu là, rue de Rennes. Rue de Rennes, moi ça fait 40 ans que je descends la rue de Rennes. J'ai jamais vu des boutiques à louer rue de Rennes. Une boutique à louer rue de Rennes, ça partait avant même que le type remballait ses affaires. C'était déjà loué 6 mois avant. Là, j'en ai vu, je sais pas combien, 6 ou 7. Encore juste dans la partie où je suis descendu. Rue de Rennes, des boutiques à louer. Waouh! C'est énorme. C'est énorme. C'est du jamais vu. Et ça, c'est le résultat de la planche à billets. C'est le résultat de tout le maquillage qu'on vous fait. Mais ils peuvent pas maquiller ça. Ils peuvent pas. C'est comme la boutique qui est restée à louer en face de l'Elysée. Elle est restée à louer pendant 1 an. Les mecs, à la fin, ils ont, comme je me suis foutu d'eux dans la revue de presse et que j'en ai parlé partout. Alors, c'est une entreprise de lingerie. C'est des froufrous. Donc, c'est Very French. Malheureusement, la rue, maintenant, elle est barrée. Donc, personne ne peut passer, ou quasiment. Enfin, dans la journée, je crois. Mais enfin, bon, la dame, elle ne doit pas faire des chiffres d'affaires colossaux. Donc, à mon avis, ça va être bientôt à louer. Vous pourrez demander à Soral d'installer sa maison d'édition en face de l'Élysée. Ça serait drôle. Alors, tiens l'idée. Pierre Jovanovic, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ah bah, c'était l'heure la plus joyeuse, finalement. Hein? Pierre Jovanovic, on vous retrouve au Mans, à l'espace culturel Leclerc d'Allonne, c'est ça? Le 29 octobre 2016, à Valence, à l'espace culturel Leclerc de Bourg-lès-Valence, le samedi 26 novembre 2016, et à Paris, à la librairie L'Œil Écoute. À Montparnasse. Montparnasse. Ah ouais, en face de la gare, en fait. Boulevard Montparnasse. Okay, au 77. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est au 77. Au 77, boulevard de Montparnasse. C'est pas au 777, c'est au 77. Le samedi 17 décembre 2016. Voilà. Très bien. Ben, Pierre Jovanovic, merci beaucoup encore une fois. Ben, en tout cas, bonne année à tous vos auditeurs israélites, hein, puisque c'est l'année 5777. Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. N'hésitez pas à la commenter, à la partager si elle vous a plu. Sachez que vous pouvez vous procurer les ouvrages de Pierre Jovanovic sur le site contreculture.com, pas tous, il y en a beaucoup, mais ceux du moins dont nous avons parlé aujourd'hui, à savoir Enquête sur l'existence des anges gardiens, 666, ouvrage fondamental, 777, et son dernier livre, L'histoire de John Law, tout cela édité par Le Jardin des Livres. Chers auditeurs, sachez que ce lundi est la date de sortie officielle du coffret de Chavez chez Contreculture. Il comprend la biographie d'Hugo Chavez, écrite par moi-même, le film, ainsi que l'anthologie des discours. Renseignez-vous sur le site contreculture.com. Vous y trouverez également un nouvel ouvrage, édité par la maison d'édition Contre-Culture, Sociologie du Gamer, par Sajou Adrien, que nous recevrons d'ailleurs bientôt dans l'heure la plus sombre. Sachez également que la section Lille d'égalité et réconciliation accueillera Lucien Cerise et Maria Poumier ce samedi 22 octobre à 15h pour une conférence sur le thème de la GPA, grossesse pour argent. Les réservations se font à l'adresse réservation.erlille@outlook.fr. Nos camarades de Lille vous attendent nombreux. Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Nous allons la conclure en musique sur les notes d'un nouvel artiste qui fait son entrée chez Contre-Culture Music, Chaos Theory. Son album Electrofate est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter aujourd'hui Iron Supremacy. Merci à tous pour votre fidélité, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.